Malin qu'a vini dans la rue, la balilé pour y passer. Malin qu'a couru bien grand, mais balilé pour y passer. Mette malin promet toute jeune fille maillée, mette des ordres à sous côté. Malin dit, caille pas nous bijoux, bête des